Fitness Pro. Arabis in Paris pumpen diesen Street Flow. 069 Codex 079. Außer Haft ist deutscher Rap nur ein Bluff. Jetzt geht es los, Fuß im Benz AMG. Guck, alle drehen durch, auch mein Cousin in Marseille. Kapitän mit einer Nummer 10. Dreh ne Runde im Mercedes, während deine Mutter zählt. Geh mir aus dem Weg, ich bin hart wie mein Steig. Von Frankfurt Main bis nach Frankreich, Saddam Stein. Ob der Index mich anzeigt, juckt mich nicht. Ich pushe Gift an den Richter. Schnuff-Business, Mutter Frank, du kommst nicht davon. Marox feiern meinen Style in Lyon und in Lyon. Das ist Faust aus Beton und dein Tape ist Chip. Du bist Gangster, ja, ja, weh, weh. Frankfurt, Berlin, Marseille, Paris, Mucke für die Kurdis, Tutsis, Algeris, Sound für die Asis, Lila am Block, Deutschland, Frankreich, du erlebst jetzt den Schock. Paris, Hamburg, München, Frankfurt, c'est là, c'est pour mes thugs et pour mes Renoir, hardcore. La France à l'Allemagne, c'est pour mes gars des blocs. Alors nous 7-8 en Europe, sinon tu vas avoir un choc. Paris à Francfort, je trappe fort. Besoin de renfort pour que je fasse sauter les têtes comme du popcorn. Négro, je bosse propre, toujours en grande forme. Je suis tellement conscient que je pense aux euros même quand je dors. Quand les berlines sont allemandes, mes ennemis sont à l'angle leur neuf. Oh mon pénis sur la langue, Dieu bénit son talent. C'est évident que j'adore qu'on paye, enfoiré. J'ai du seil à envoyer, et au bled et au foyer. Hein, je te passe la taille pour que tes problèmes soient noyés. Quand ta meuf aime s'envoyer pendant que tu payes son loyer. Si les pères de mon cahier sont plus fiables que tes frères déjà, c'est que je me sépare des traites comme RFA et RDA. Hein, je suis hors limite, optimiste. Je fais mes règles, je suis mon propre ministre. Parce que je viens d'où les beaux finissent. Pauvre ou beau fini. Connexion Paris-Allemagne, chose finie. Hein. Frankfurt, Berlin, Marseille, Paris, Mouke für die Kurdis, Tutsis, Algeris, Sound für die Asis, Lila am Block, Deutschland, Frankreich, du erlebst jetzt den Schock. Paris, Hamburg, München, Frankfurt, c'est là, c'est pour mes thugs et pour mes Renoir, hardcore. La France à l'Allemagne, c'est pour mes gars des blocs. Alors on 7-8 en Europe, sinon tu vas avoir un choc.